rester. J'étais en train de regarder tous ces gens mécontents. Putain, qu'est-ce qu'ils sont chiants. Il fait beau, il fait chaud, sauf dans leur putain de cerveau. Le froid du mépris leur a tous tué l'esprit. Tous tué l'esprit. Libérez-vous de votre vie avant que celle-ci finisse en sursis. C'est pas quand vous serez mort qu'on donnera cet accord. Regardez-vous, attirez-vous. Vous êtes en cage. Regardez-vous, attirez-vous. Ça ne changera pas avec l'âge. Regardez-vous, attirez-vous. Regardez-vous, admirez-vous, participez à votre.